Booming Child X on the track, bitch. No, I don't like to do that. Please go. Daniel. Gamos par balle obligé, la mort la visée dans les gènes, je fume sur exoplanète, lyophilisé, j'étais là avant comme un aborigène. Tu veux te faire c'est toi petit, j'étais là avant comme un aborigène. Tu veux reprendre le terrain petit, j'étais là avant comme un aborigène. Oh ouh, j'ai gamos tout je dis. Ouh, lias de sang sous vide. Ouh, variété de weed. Ouh, aga what you need. Hey, je suis primitif. J'ouvre mes cadeaux avec mes tifs. J'utilise mon shadow. Plan épervier dans le zoo. Pour trouver le mago. Pour voyager au fond de ton camtar, j'lis le guide du routard. Hey. Bombe sale sur fuite. Tu connais mon gimmick. Hey. Fuck les résolutions de l'ONU sur les armes chimiques. Hey. Chien enragé. Dans ghetto enclavé. On va se ranger quand ton pronostic vital sera engagé. Hey. Même dans une impasse mexicaine, je sors du guépier. Je suis sur le trône, tu passes l'aspirateur et je lève les pieds. 44 dans le 4-4, ma patte dans chaque chat. Rien à battre tant que ça chaque. Si ça se claque, c'est que j'attaque. Gamos par balle obligé, la mort la vie, je l'ai dans les gènes. Je fume sur exoplanète, lyophilisé. J'étais là avant comme un aborigène. Tu veux te faire c'est toi un petit, j'étais là avant comme un aborigène. Tu veux reprendre le terrain petit, j'étais là avant comme un aborigène. Oh, ouh, j'ai gamos tout j'dis. Lias de sang sous vide. Ouh, variété de weed. Ouh, aga what you need. Hey. J'suis dans le lambeau, t'es dans le tombeau. J'touche ces trois trous, j'fais un combo. Je me mets par les coups comme du gombo. J'vais me déchaîner comme Django. Plus ton boulet gros, mieux c'est. J'aime la surcharge. J'peux pas changer mon fusil d'épaule, j'en ai un sur chaque. Hey. 270, 225 depuis la naissance. Hey. 30 prédateurs au-dessus de la capitale en reconnaissance. Hey. Excuse-toi sans hésiter, suce-moi sans résister. Biturbo débridé, pendu fond aiguisé. Caillou de gras, c'est la spécialité locale. J'suis toujours clair, t'es toujours flou dans la focale. Gang, sang froid comme un crotal. J'suis bon à l'écrit, t'es bon à l'oral. Mon plan est garé, ton boulet ovale. Piège! Gamos par balle obligé, la mort la visée dans les gènes. J'fume sur exoplanète, lyophilisé. J'étais là avant comme un aborigène. Tu veux te faire c'est toi un petit, j'étais là avant comme un aborigène. Tu veux reprendre le terrain petit, j'étais là avant comme un aborigène. Oh, ouh, j'ai gamos tout j'dis. Ouh, lias de sang sous vide. Ouh, variété de weed. I got what you need.